À deux, on faisait la paire, on a commencé nos locks ensemble. On se disait qu'il y avait pire, qu'on pouvait pas pleurer sur notre sort. Si tu ligotais ma peur, le manque d'argent a noirci mon cœur. Si tu veux, bah tu le peux, y'a que les faibles qui arrivent à se rendre. Midi pile, c'est le coup d'envoi. 18h, c'est la mi-temps. Nouveau guetteur, nouvelle recharge. Après 20h, les keufs de nuit débarquent. Sa mère, c'est Dieu qui veut, c'est pas ma faute. J'suis obligé de me lever tôt et de repeser toutes les doses. Depuis que le terrain tourne, comment tu veux que j'pense à autre chose? Transaction à se vendre, la moula compte des billets verts. J'en récupère 1000, le carré VIP est rempli de filles. J'crois que j'ai percé, j'baisse des darons, dis que du zipping. J'ai pas encore trinqué, j'ai pas encore réussi. Encore 5 ou 6 millions, supprime tout, j'm'arrache d'ici. J'ouvre le terrain dès le matin, j'place les bosseurs du matin. Y'a les fins que du matin, balle de 9000 il t'atteint. J'ai baissé la vie, j't'ai pas raté. Balle de 9000 il t'atteint, j'ai baissé la vie, j't'ai pas raté. Dans les allées, j'ai tout détaillé. Et la brigade veut nous démanteler. La page du 9000 il t'attend. J'ai baissé la vie, j't'ai pas raté. En pleine nuit, tu me verras pas venir. J'suis la balle qui sort du canon si est-ce. Elle veut passer l'été à Venise, j'suis dans le bénéfice, j'encaisse les billets. Rouro, platine, million de vues, on changera pas. J'suis dans le bus, j'ai laissé place à Rosa Parks. 12 coups, j'te parle pas de l'heure. 12 grammes, j'ai parlé à l'heure. J'suis broliqué, j'suis en au portique. J'ai fleuri parmi les orties. Évidemment que j'ai la main verte. C'est qu'il de bœuf, j'ai fait partir. Elle veut une histoire romantique. J'voulais que la prendre dans le vrai. Audemars Piguet, avion, j'regarde par le hublot. J'ai pas quitté la zone, mon bras n'est pas plus beau. Elle se évry dans le bâtiment, everyday. Nous jouons Toshi Moula, pas besoin d'être. Ils sont mauvais, ils veulent ma mort, ils font pas peur, c'est des salopes. J'les fais danser, taper, je sors d'un oracle, j'donne à ma mère. Ma Celia ne tient pas en poche, mais ma S ne roule pas en Porsche. J'suis débranché, j'ai plus mon Fantel. Aux arrivants loin de mes proches. J'ouvre le terrain dès le matin. J'place les bosseurs du matin. Y'a les feux que du matin. Balle de 9000 il t'atteint. J'ai baissé la vie, j't'ai pas raté. Balle de 9000 il t'atteint. J'ai baissé la vie, j't'ai pas raté. Dans l'escalier, j'ai tout détaillé. Et la brigade veut nous démanteler. J'ai baissé la vie, j't'ai pas raté.